Olivia, Nathan et Paul, vous vivez ensemble. Alors, à la maison, qui fait quoi? Ah bah, chez nous, c'est simple. Je fais tout. Non, pas tout. Toujours. Ah oui? Vous faites quoi, vous? Bon, ok, tu fais souvent la vaisselle, le ménage et les courses. Mais la lessive, c'est nous. Je ne vais pas laver votre linge en plus. Merci. Et vous, Annie et Fred? À la maison, on partage. Fred va souvent chercher les enfants à l'école. Moi, je finis le travail à 19h. Et Fred fait la cuisine toute la semaine. Il adore ça. On fait les courses ensemble tous les week-ends. La vaisselle, les lessives, c'est moi. Et le repassage? Bah, en fait, on ne repasse jamais.